Chapitre 29. La dégringolade. Il y avait en effet du nouveau rue Saint-Dominique. Après le coup d'assommoir du bon papa Bonnaire, le comte de Charmeuse avait étudié sa situation à fond et soumis, un peu tardivement, son contrat de mariage à un avocat. Celui-ci, une célébrité du barreau, lui déclara sans embâche qu'il n'y avait rien à faire. L'affreux Bonnaire était gardé à carreau. Il avait donné à sa fille 3 millions de dot, savoir 1 million espèces et la jouissance d'usufruit de 2 millions de biens, etc., dont il se réservait la nue propriété. Et tout cela était si bien arrangé dans un embrouillamini de toutes sortes de dons sans réelle importance, que Roger n'y avait vu que du bleu. Mais la petite clause traîtresse y était, et elle y était bien. Le million sonnant était claqué. Il restait au comte de quoi vivre, richement, sa vie durant. Les folies ruineuses lui étaient interdites, le nanan, quoi. C'était à crever de dépit. Il aurait toujours, et malgré lui, hôtel, château, équipage, grâce aux revenus de sa femme, mais il ne pouvait pas la mettre sur la paille, ni lui non plus. Défense de se ruiner, de par Bonnaire. Le cas, somme toute, était amusant, et le juriste consulte de M. Charmeuse avait conclu. « Vous avez, monsieur le comte, un présent très solide. Il faut vous résigner à attendre. Les espérances. » Les espérances. Mais c'était la mort du financier véreux. Et il en avait une santé, celui-là. Il enterrerait tout le monde. Se résigner. C'était impossible. Songez donc. 1000 louis d'argent de poche bon an mal an, en laissant presque toutes les charges de maison à la comtesse, c'était ridicule, dérisoire et scandaleux. Il n'était pas un bourgeois, lui, encore moins un mendiant. Son crédit était rétabli. Il ferait des dettes. Et le beau-père serait bien obligé de casquer, ne serait-ce que par considération pour sa fille. Il fit donc des dettes que Bonnaire ne paya pas. En homme pratique, le banquier gara simplement la part de sa fille, malgré les supplications désolées de celle-ci, qui aurait tout donné pour être délivrée de ses tourments et de ses humiliations. Et Roger de Charmeuse, ayant dépensé et escompté le sien, se trouva bientôt acculé à cette extrémité, vivre au crochet de sa femme. Plus d'argent de poche, du tout, et encore moins de crédit. On sut que la fortune des Charmeuse était personnelle à la comtesse, et tout le monde applaudit à la sagesse de Bonnaire. Seuls, les créanciers du comte, renvoyés aux calendes les plus grecques, la trouvèrent ultra mauvaise. Roger était coulé sur la place, absolument comme avant son mariage. Il essaya encore le coup du chèque sur papa beau-père. Cette fois, cela fit long feu. Le petit papier avait été passé à un fournisseur de Suzanne d'Amour. Celui-ci fit un chambard terrible, menaçant d'envoyer une plainte au procureur. Le comte, affolé, courut chez Bonnaire, qui resta invisible et, par la suite, introuvable. Parti en voyage, répondit-on au malheureux. Alors, il en fut réduit à s'adresser à sa femme. Oh, suprême déchéance! Adrienne de Charmeuse vendit ses bijoux et en donna l'argent à son mari. Cet argent lui brûlait les mains. Il paya. Désormais, il était fixé. Bonnaire ne donnerait plus un sou et aucune considération ne le ferait fléchir. Comment équilibrer sa situation? Car il ne renonçait pas encore. Ceux qui ont été pris dans les irrésistibles tourbillons de la vie à outrance et qui ont pu s'en tirer, se recueillir et se retremper, comprendront cela. Mais il serait trop long de faire ici la psychologie de cet état d'âme. Constatons simplement. Suzanne d'Amour n'avait pas tardé à montrer les dents. Madame Chameau était reparue sous l'agréable et bonne fille qu'elle paraissait et aurait pu être si ses amants avaient eu le pactole à leur disposition. « Mon cher Roger, dit-elle un matin au comte à son réveil, il faut vous faire une raison. On n'en restera pas moins bons amis, comme par le passé. Que voulez-vous? C'est la vie. » Le comte était devenu blême. Tout s'effondrait autour de lui, jusqu'à l'amour de cette fille qui lui avait coûté si cher. Et il s'y était attaché, comme toujours, en raison directe de ses propres sacrifices. Il voulait la garder, par orgueil et par passion. Il demanda, essayant de sourire, Est-ce mon congé? Déjà? Elle se coula hors du lit, l'air ennuyée, et gagna son cabinet de toilette. Dame, c'est à vous de voir, répondit-elle. Je ne puis pourtant pas vivre de l'air du temps, moi, n'est-ce pas? C'était clair.